with Galaxy. Music remains on top. Tout de suite, c'est Spiritual Choice avec Jimmy et Mano pour un concept rétro. Spiritual Choice. Samedi, de midi à 14h, sur Galaxy. Thank you. Choice. Bye. Wir fahren Omnibus. Immer öfter, aber nicht immer. Omnibus. Jetzt fahre ich ab. Immer öfter, aber nicht immer. Omnibus.

Mano, Azure Galaxy. spécial rétro en Spiritual Choice. et Mano, sur Galaxy. Beaubourg sort en concert vendredi 8 juin 20h30 à la boîte à musique de Waterloo.